Today, I would like to talk about doing dana because every day our yogis during the breakfast, before we having breakfast and lunch, when there are food donors, we recite the chanting. You may be curious to know what is the reason we recite before we have breakfast or lunch. Mayam Pandi, Sansara, Uta, Dukkha, Doh, etc. That's why this evening I thought, came in my mind, it would be good if I explained a bit about doing dana. That's why this evening I was trying to explain about dana. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de dana, le don. Chaque jour, il y a des offrandes qui se font par les yogis. Les yogis offrent soit le petit déjeuner, soit le déjeuner. Et tous ensemble, ils chantent certaines paroles en pali. Ils pourraient peut-être aimer savoir la signification de ces paroles. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais donner des explications à ce sujet. Le Bouddha a enseigné dana, sila et bhavana. Ce sont ces trois enseignements les plus importants. Dana, c'est la charité, le fait de donner. Sila, c'est la moralité, le fait de maintenir les préceptes moraux purs. Et bhavana, c'est le développement du corps et de l'esprit. Ces trois pratiques sont très importantes. Lorsque nous offrons de la nourriture aux moines et aux yogis, nous devons le faire avec sagesse. Ceci veut dire qu'il ne faut pas se contenter d'offrir tout simplement sans comprendre la raison pour laquelle on offre. Il faut également comprendre les effets de cette offrande. Ceci s'appelle en pali Kama Sakata Samaditi. Nous allons donc réciter des paroles en pali. Nous commençons par dire « Vénérable, pour nous libérer du cycle du samsara, pour réaliser Nibbana. » Ce sont donc là les deux raisons pour lesquelles on pratique la générosité dana. On ne pratique pas dana de façon aveugle, on le fait avec la compréhension du but dans lequel nous le faisons. On peut ajouter encore une autre raison. Nous offrons donc la nourriture pour aider à pérenniser l'enseignement du Bouddha, le Dhamma. Nous offrons cette nourriture à la Sangha et aux yogis. On peut également ajouter, par ce don de nourriture que nous faisons de façon respectueuse à la Sangha et aux yogis, puissions-nous créer les conditions pour comprendre le Dhamma et pour atteindre la connaissance du chemin et du fruit. Et enfin, puisse ce don, offert par moi-même, m'aider à atteindre Nibbana. Nous partageons ensuite nos mérites, c'est-à-dire la joie que nous ressentons du fait de donner. Nous partageons nos mérites avec tous les êtres. Cela veut dire que nous nous sentons heureux parce que nous faisons ce don et nous partageons cette joie avec tous les êtres. Et enfin, nous allons irradier nos pensées bienveillantes, notre metta, vers tous les êtres. Puissent tous les êtres être en bonne santé, heureux et en paix. Dans ce texte que nous récitons, on peut voir trois parties. La première partie, c'est donc le but, la raison pour laquelle on fait le don. On fait le don pour s'extraire du samsara et réaliser Nibbana. Nous offrons donc avec sagesse, avec compréhension. Comme vous le savez, tant que l'on n'aura pas atteint l'illumination, nous serons condamnés à devoir reprendre naissance à l'infini dans le samsara. C'est donc dans le but de nous extraire du samsara et donc de la souffrance que nous faisons ce don. Ensuite, à qui allons-nous faire le don? Nous offrons le don à la sangha et aux yogis. Les yogis sont des personnes qui s'efforcent de se libérer de loba, de dosa et de moha. Vous allez donc offrir à la sangha. La sangha, ce sont les membres de la communauté monastique. Ce sont les disciples du Bouddha, mais ce ne sont pas que les disciples du Bouddha actuels, ce sont tous les disciples du Bouddha depuis le début de l'existence donc de la doctrine. Vous offrez donc à toute la Sangha, y compris les disciples du Bouddha qui vivaient de son temps, comme Sariputta, Moggallana. C'étaient des personnes qui avaient déjà atteint l'état d'arhat. Parfois, vous allez offrir la nourriture, vous offrez la nourriture également à des personnes qui sont des êtres nobles, mais qui n'ont pas encore atteint l'état d'arhat, qui n'ont atteint que l'état de Anagami, le troisième stade de sainteté, ou éventuellement le deuxième, le premier. Vous offrez même au Samanera les novices. Toutes ces personnes font partie de la Sangha. Vous n'offrez pas qu'à la Sangha, vous offrez également aux yogis. Les yogis sont des personnes qui s'efforcent de se débarrasser des impuretés. On les appelle des personnes vertueuses, des personnes qui donc se sont engagées à respecter les préceptes moraux et qui prennent également les trois refuges, le refuge dans le Bouddha, le refuge dans le Dhamma et le refuge dans la Sangha. Et enfin, la troisième partie, des paroles que nous chantons, disent que par ce don à la Sangha et au Yogi, puissions-nous comprendre clairement le Dhamma, puissions-nous nous débarrasser de toute forme de Kilesa et puissions-nous réaliser Nibbana. Et enfin, vous partagez vos mérites avec tous les êtres. Donc c'est la signification des chants qui sont donc récité par les yogis au moment où un repas est offert, que ce soit le petit déjeuner ou le repas de midi. Pourquoi offrez-vous de la nourriture à la Sangha et aux yogis? Parce que vous souhaitez le faire, vous voulez le faire. Cette volonté, ce n'est pas du désir, ce n'est pas loba, c'est Sammachanda, l'intention juste. C'est également Chetana, une volition juste. Si nous réfléchissons au fait que c'est grâce à la Sangha que nous pouvons pratiquer l'enseignement du Bouddha, nous serons heureux de leur offrir la nourriture. Depuis le décès du Bouddha, en effet, ce sont les moines qui transmettent son enseignement de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Grâce à eux, nous avons donc la possibilité de pratiquer le Dhamma et nous nous sentons reconnaissants. Pour ce qui est des yogis, nous leur offrons également la nourriture. Ce sont des personnes qui s'efforcent de se débarrasser des kilesas et de développer leur attention. Leur intention est donc très bonne. Il y a trois sortes de chétana, trois sortes de volition ou d'inspiration. Upa chétana, mucha chétana, yes. And the third one, Aparachitana. Aparachitana. La première, Upachitana, c'est la volition qui apparaît avant que le don soit fait. Avant d'offrir, subitement, la personne va se sentir l'envie de faire dana. C'est une intention qui se manifeste soudain dans son esprit. Le don n'a pas encore été fait. Donc, cette première intention va s'élever dans le cœur du futur donateur. Il va se dire « j'ai envie de faire un don ». Ceci se passe avant que le don soit véritablement fait. Cette intention, c'est déjà une kusala chetana, une action méritoire qui va engendrer des mérites. Ici, les yogis ne sont pas autorisés à cuisiner. Ils doivent essayer de réserver leur énergie à la pratique pour développer constamment l'attention. Mais le donateur, qui cuisine lui-même, au moment où il prépare donc le repas, il y a dans son esprit et dans son cœur metta, l'amour bienveillant. Il voudrait être généreux pour les yogis et pour la sangha. Il y a également karuna, la compassion. Il y a mudita, la joie sympathique, et il y a upekkha, l'équanimité. Donc, au moment où vous préparez votre repas, on peut parler de mucha chetana, la deuxième intention qui est donc présente dans votre esprit. Après avoir préparé le repas, vous allez l'offrir. Vous l'offrez à la sangha de façon traditionnelle et correcte. Vous offrez à deux mains et vous enlevez vos chaussures lorsqu'il s'agit de la sangha. Ceci veut dire que vous offrez de façon respectueuse. Vous allez ensuite offrir la nourriture à la sangha ou au yogi. Si vous constatez que le récipiendaire de votre don est heureux de le recevoir, vous allez vous-même vous sentir très heureux. Si vous voyez qu'il a accepté votre don et qu'il en est très heureux, vous-même vous allez ressentir de la joie. Cette joie est appelée Muncha Chetana, la volition présente. Donc après le don, nous ne devons pas oublier cette action que nous avons faite, nous devons nous en souvenir. Ceci, c'est la troisième sorte de chétana, aparachétana. Donc à cause de cette volition, de cette chétana, les résultats vont suivre. Nous nous souviendrons du don que nous avons fait et chaque fois, cette chétana va se développer, va grossir. Le Bouddha dit que si les êtres savaient les bénéfices qu'amène le don, ils ne mangeraient jamais sans donner. Un jour, un déva se rendit chez le Bouddha pour lui poser une question. « Vénérable, dit-il, si quelqu'un veut être en bonne santé, être beau, être heureux, que doit-il faire? » Le Bouddha répondit au déva. Quelqu'un qui souhaite être en bonne santé doit pratiquer le don de la nourriture. Quelqu'un qui souhaite être beau doit pratiquer le don de vêtements. Quelqu'un qui souhaite être heureux doit pratiquer le don des véhicules. Quelqu'un qui souhaite avoir de beaux yeux doit pratiquer le don de la lumière. Le Bouddha a beaucoup parlé des bénéfices de Dana. Ce ne serait pas possible de tous les évoquer ici. Et c'est vrai, si nous ne mangeons pas, ne fût-ce que pendant quelques jours, nous allons maigrir et nous deviendrons faibles. Si donc nous offrons de la nourriture, nous offrons la santé à la personne à qui nous offrons. Si quelqu'un est dévêtu, on ne peut pas dire véritablement qu'il est beau. Pour être beau, il doit avoir des vêtements. Si donc nous offrons des vêtements, nous offrons la beauté. Et la troisième sorte de don, c'est ce qui amène le bonheur. C'est donc le don des véhicules. Par véhicule, on entend tout ce qui permet à quelqu'un de se déplacer, comme par exemple une canne ou un moyen de locomotion. Et donc dans cette catégorie, le don de véhicule, il y a bien sûr le train, les voitures, les avions. La dernière forme de don, c'est donc le don de lumière. On offre de la lumière au Bouddha, au temple, au monastère. Ceci va procurer de bons yeux. En pali, on dit chakudana. Le Deva n'en demandait pas plus au Bouddha, mais le Bouddha ajouta que quelqu'un qui offre un monastère ou un centre de méditation a en fait tout offert. Il voulait dire qu'une telle personne a en même temps fait la première forme de don, celle qui consiste à donner de la nourriture, la deuxième qui consiste à donner des vêtements, la troisième qui consiste à donner des véhicules et la quatrième qui consiste à donner la lumière. Ceci peut être illustré par l'exemple suivant. L'année passée, la maison voisine a été achetée par le groupe et ce centre existe bel et bien ici. À cause de cet achat et donc du fait que le centre existe, il est possible de pratiquer toutes sortes de kusala, d'actions méritoires. Il est possible de pratiquer dana, le don. Il est possible de pratiquer sila, la moralité. Il est possible de pratiquer bhavana, la méditation. On peut donc développer toutes sortes de kusala dans ce centre. Si le centre n'existait pas, ce ne serait pas facile d'y arriver. C'est pourquoi le Bouddha a dit qu'en donnant un monastère ou un centre de méditation, on a tout donné. That is enough for today. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly as they really are. Then attain Nibbana. Sadhu. Sadhu.